Gigès et l'anneau. Tragédie de Hébel. Adaptation de André Tuboeuf et Michel Tournier. François Beaulieu de la Comédie Française sera Gigès et Sylvia Monfort la reine Rhodope, avec Marcel André, Catherine Dagan, Marie-Vonne Schiltz, Jean-Claude Houdinière et Daniel Hivernel dans le rôle du roi Candaule. Musique originale de Patrice Sciortino. Réalisation Guy Delaunay. Je sens mon épée, et tu vas voir aujourd'hui même de quoi un Lydien est capable. Vous autres Grecs, vous filez doux parce qu'il n'y a rien à faire ouvertement. Mais vous renaclez sous le vieux joug, et vous moquez de vos maîtres. Vous attribuez sans vergogne tout ce qui se fait de nouveau sous le soleil. Vous y ajoutez une guirlande et le tour est joué. Vous êtes les inventeurs. Roi Candaule, voici le diadème. Je veux le nouveau diadème, pas celui-ci. Et l'épée. Tu t'es peut-être aussi trompé d'épée. Par Hercule, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, deviendras-tu gâteux, mon bon Thoas? Mais je pensais... Tu pensais? Il n'y a pas un roi depuis 500 ans qui ait osé paraître au jeu d'Hercule, ton ancêtre, sans ce que tu appelles ses vieilles reliques. Et ces reliques, la dernière fois, quand tu as cru pouvoir t'en dispenser, rappelle-toi, le peuple n'a pas compris. La foule a grondé. Une bonne leçon, n'est-ce pas, dont j'aurais dû me souvenir. Ce n'est jamais sans tressaillir de joie et de crainte, roi Candaule, que je touche à ce diadème, que j'empoigne cette épée qui a été dans la main de tous les Héraclides. Quant à ces nouveaux insignes, ils brillent, certes, ils ont de l'éclat, mais il suffit d'avoir de l'or pour les acquérir. Ils n'ont pas été forgés par Héphaïstos dans la flamme jupitérienne, ni ornés par les perles que Thétis et ses filles rapportèrent du fond des mers. Ce nouveau diadème, cette épée neuve, ce sont des hommes comme nous qui les ont forgés. Comme nous? Comment l'entends-tu, Thoas? Pardonne-moi ma franchise un peu rude, roi Candaule. Elle t'est dévouée tout entière. Ces milliers d'hommes qui affluent pour les jeux ont peut-être des vêtements plus fins que les miens, une table plus délicate. Leur cœur est comme le mien. Je te le dis, roi Candaule, sans cette couronne, ta tête n'est qu'une tête. Sans cette épée, ton bras n'est qu'un bras. Il pense cela? Ben, sur ma vie, oui, roi Candaule. Ah voilà, c'est... Emporte ces vieilleries et obéis. Tu lui as fait de la peine. Je sais bien, mais que faire? Il a dit vrai, ils aiment leur roi pour sa couronne, et la couronne pour sa rouille. Malheur à qui la nettoie. Plus elle brille, moins elle pèse. Mais il faut en finir. Je suis lassé de tout devoir à ces insignes héréditaires de partager avec les statues là-bas, à l'abri dans leur niche, une inviolabilité dérisoire. On ne revient pas en arrière. Je t'apporte, roi Candaule, les nouveaux insignes. Voilà qui est bien. Ce sont les perles et les pierres de mon royaume qui sont rassemblées sur cette couronne. Pas de place ici, pour ce que nous n'avons pas trouvé nous-mêmes, chez nous, au flanc de nos montagnes ou dans l'abîme de nos mers. Mais cette place vide, vois-tu là, est réservée à ce que nous trouverons peut-être demain, peut-être dans 100 ans, comprends-tu maintenant? L'autre couronne était faite pour la tête d'un géant, tu sais, cette statue de l'ancêtre avec sa massue et sa peau de bête. Cette épée aussi, moins lourde. On peut la brandir sans y laisser toutes ses forces. On se battrait ici avec cette arme, dans un espace à notre mesure. Pour l'autre épée, il ne fallait pas moins que l'immensité où des géants se lançaient des rochers. Non, Thoas, ça c'est le discours pour aujourd'hui. Pardon, roi Candaule. Les vieux os ressentent avant les jeunes que le temps va changer. Le voilà qui s'en va tout triste. Oui. Il croit que la prochaine foudre est pour moi. Si la terre ne s'est pas ouverte auparavant sous mes pas, ou si le Minotaure ne m'a pas dévoré, ils sont tous pareils. Mais ne les méprise pas. Tu vas voir de quoi ils sont capables sur le stade. Oui, et j'espère bien me mesurer avec eux. Non, Gigès. Il faut que tu restes assis à ma droite pour que tout à chacun voie comme je t'honore et comme je veux qu'on t'honore. Si tu m'honores, ne m'interdis pas de participer au jeu. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne connais pas les Lydiens. Vous autres Grecs, vous êtes les plus fins. Aux autres, vous laissez faire le fil et vous vous réservez le tissage. Et pas un fil n'est de vous dans le filet qui vous appartient pourtant. Comme il serait bien vite lancé et ramené ce beau filet. S'il ne manquait un petit quelque chose, si le bras du pêcheur qui le manœuvre était un tout petit peu plus fort, alors oui, le monde entier s'y laisserait prendre. Mais voilà, tout votre esprit ne fera rien passer de notre force dans vos corps. Nous, nous faisons les bêtes. Nous faisons mine de nous laisser prendre à vos ruses. Mais d'une faible secousse, nous en libérons. Nous aussi, nous célébrons ces jeux. Certes, mais entre vous, Dorien contre Éolien, un Béotien peut-être à la rigueur, et reste soi-même contre les coups, cela se passe en famille, en somme. Gigès, je ne veux pas savoir combien de prix tu as remporté là-bas. Je te dis seulement, attention, toi le Grec, toi mon favori, si tu entrais dans l'arène, si tu briguais le dernier des rameaux du peuplier blanc, tu n'en sortirais pas vivant. Il faudra donc que j'y aille maintenant. Si c'est ainsi que tu entends mes paroles, alors va. Mais roi Candole, je ne suis pas venu seulement pour solliciter, je n'ai pas les mains vides. Regarde, c'est un anneau de roi. Tu ne vois rien ou presque rien. Et tu te prépares à accepter ce modeste présent comme on accepte en souriant les fleurs défraîchies qu'un enfant vous apporte pour ne pas le blesser. Il paraît bien médiocre, mon anneau. Mais écoute bien ceci, roi Candole. Ton royaume entier ne le paierait pas. Et avec toute ta puissance, roi tout-puissant, tu ne le prendrais pas de force. Tel que tu le portes, c'est un bijou quelconque, mais tourne-le. Fais apparaître sur le dessus cette petite pierre, là. Tu vois son éclat? Et te voilà invisible. Et tu traverserais le monde comme les dieux dans leur nuée. Garde-le bien, c'est un anneau de roi, te dis-je. J'ai attendu le roi, j'ai attendu le jour, c'est le jour, et tu es le roi. Nous connaissons-nous aussi des merveilles? Nous avons aussi des merveilles. Nous avons, oui, parlé d'une femme, Médée était son nom, qui possédait des charmes. Il était en son pouvoir, notamment, de faire baisser jusqu'à l'horizon la lune en plein ciel. Mais j'entends parler pour la première fois de cet anneau merveilleux. D'où le tiens-tu? Je l'ai trouvé dans une tombe en Thessalie. Tu as violé une tombe? Non, elle était ouverte. Je m'y suis glissé pour échapper à des brigands qui me poursuivaient un jour où, seul à l'aventure, je parcourais nos montagnes. Les urnes étaient renversées, une poussière de cendres flottait dans les derniers rayons que les murs laissaient filtrer. Je retenais mon souffle, craignant de respirer cette cendre qui pouvait être celle de mes pères. Et les brigands? Ils avaient perdu ma trace. Leur voix s'éloignait et déjà je me croyais sauvé. Soudain, je vois cet anneau qui, parmi ces choses mortes, brillait vers moi comme l'œil d'un vivant. Je le ramasse, je le nettoie, je le passe à mon doigt. Alors j'entends mes brigands, ils avaient repéré le tombeau et m'y venaient les busquer. Je ne voulais pas mourir comme une bête au fond d'un trou. L'épée haute, je tente le passage. Le soleil allait se coucher et baignait toute chose de sa dernière lumière, la plus brillante de tout le jour. Mais les brigands, on aurait dit que la nuit était déjà tombée sur eux, ils passent sans me voir. Ils fouillent le tombeau en vociférant, ils en ressortent sous mes yeux sans me voir. Alors? Alors j'ai pensé qu'un dieu m'avait couvert de son ombre et j'ai promis aux invisibles, à genoux, d'affronter les brigands et de leur immoler le plus cruel, quoi qu'il m'en coûte. Je pars donc à leur poursuite. Je me mêle à leur groupe, mais quelle n'est pas ma terreur en constatant qu'ils ne me voient pas davantage qu'un courant d'air et qu'à travers mon corps, ils se parlent, ils se passent le pain et le vin. Mon regard se brouille, je ne sais plus où le porter, quand je le vois, lui, l'anneau et sa pierre, qui lance vers moi des rayons étincelants. J'ai peur de ce regard minéral insoutenable et je tourne l'anneau. Car ces perles, ces étoiles étaient comme l'éternelle source de lumière qui rend aveugle. Comme la musique des sphères célestes rend sourd celui qui l'a entendu une seule fois. Mais alors je me vois empoigné et on crie que la farce est bonne et que je me suis bien caché. Mais pas assez bien toutefois. Je suis perdu, étouffé sous 10 poignes, quand un des brigands remarque l'anneau, le croit de bonne prise et veut me l'arracher. Au même instant, nouveau cri. « C'est un dieu parmi nous !» Et tous tombent à mes pieds prosternés. Ils avaient dû faire tourner l'anneau en voulant te l'arracher. Et tu étais à nouveau invisible. Sans doute. Alors seulement je comprends le pouvoir de l'anneau, et je le fais tourner encore, et je leur dis « Oui, c'est un dieu visible devant vous qui vous apporte le châtiment. » Et je me rue sur eux, paralysé par la peur, et je les massacre comme la foudre, et pas un en réchappe. Ensuite, j'ai voulu retourner au tombeau pour lui restituer le bien inestimable qui ne m'appartient pas, mais je n'ai jamais pu en retrouver le chemin. Et contre ma volonté, l'anneau m'est resté. C'est un trésor sans prix. C'est un anneau de roi, je te l'ai dit. Il est à toi. Après les jeux seulement. Plus jamais je ne l'ai porté, je ne le porterai plus. Crois-tu donc que j'en ai besoin tout à l'heure? C'est bien. Donne-le-moi, je l'éprouverai. Et moi, je vais m'armer. Les appartements de la reine. Riez, chantez, mes petites filles. Aujourd'hui, tout est permis. La reine Rhodope pardonnera tout, même, petit héros, ton escapade d'hier dans l'arbre dont la branche a cassé pourtant sous le poids de tant de curiosité. Tu m'as vu, ma reine. Alors tu as vu aussi que j'avais choisi l'arbre le plus touffu du jardin. Le plus touffu, peut-être, en tout cas le plus près du mur. Le plus touffu, oui. Je montais dans une nuit verte et je tremblais de laisser derrière moi la lumière d'or. Et je montais dans la nuit. Quelle idée! Oh, je ne voulais pas me rapprocher de l'Olympe de quelques pieds. Je laisse là au rossignol qui chantait sur la plus haute branche. Je voulais... Mais tu vas te moquer de moi. Je voulais me sentir bercée comme quand j'étais petite. Bercée par la lente inclinaison de la cime dans le vent. Bercée, rien de plus. Et en passant... Juste en passant, jeter un coup d'œil. Je voudrais savoir si le sinistre Carnat dit vrai. Et si un lac entoure notre jardin. Un lac? Tu le sais mieux que moi. Mais ce lac, en as-tu jamais entendu le murmure? Ou bien serait-il aussi silencieux que ton petit cœur? Je ne veux pas en savoir davantage, parce que je suis bien sûre que tu ne recommenceras plus. Jamais fillette tomba plus doucement et jamais n'eut aussi peur. J'aurais pu me retenir à une branche. Mais elle portait un nid. Je craignais de précipiter dans le vide toute la couvée sans plumes qui s'y agitaient. Mais tu t'es bel et bien accrochée à leurs branches et leurs oiselets se sont envolés sous ton nez. Taquinez-vous tant que vous le voulez. Aujourd'hui, toute la maison est à vous. Vous pouvez aller où bon vous semble, ouvrir toutes les portes. Et toi? Ne vous occupez pas de moi. Pour une fois, ne prenez pas modèle sur moi. Ce qui vous est permis, à moi, on ne l'interdit pas. Il y a une nuance. Alors, tu vas encore manquer la fête? Oui, comme cela, je ne gâterai pas votre joie. On dit chez nous qu'il ne faut pas manger sans faim ni boire sans soif. Je vous vois toujours revenir pâle, tremblante de ces jeux qui vous attirent si fortement. Et de toutes, je préfère celle qui a compris et qui n'y retourne pas. Oh, ne prenez pas cela pour un reproche. Seulement, je suis contente que ma petite lesbia qui est née au milieu de vous pense et sente comme moi. Aujourd'hui, cependant, me pardonneras-tu? Te pardonner quoi? Tu veux donc y aller, toi aussi? J'ai parlé trop vite et la voilà toute fâchée maintenant d'être la fille de son peuple. Mais vraiment, il n'y a pas de quoi. Suis-je autre chose moi-même? Eh bien, va, va. Va et tu me diras qui est le vainqueur. Oh, sûrement. Nous allons voir concourir ce jeune Gigès qui a une si belle voix. Tu connais sa voix? Oui, sa voix et rien de plus. Mais aujourd'hui, nous allons le voir. Et c'est pour ça, tu sais, que Lesbia veut nous accompagner. Il n'est pas trop tard pour que je reste. Tu t'en garderas bien. Salut à toi, Rhodope. Sais-tu qui je suis? Un inspecteur des marchés, un conservateur des mesures qui manie l'aune plus souvent que l'épée. C'est de ma faute si depuis tant de générations, les 12 travaux d'Hercule n'ont pas été éclipsés par 24 hauts faits plus magnifiques. Tu ne me crois pas? Interroge l'aimable Alcée. Oh, tu ne connais pas. Je ne le connais moi que d'aujourd'hui. Et connais-tu ma recette de bonheur? Je dis, tiens, jeune homme, prends ce noyau, plante-le. Arrose-le chaque jour, et crois-moi, quand tes cheveux seront blancs, tu seras payé de ta peine. Tu auras des cerises, aigres ou douces. Tu verras bien, n'est-ce pas? Non, si, si, c'est moi. Tu ne me crois pas. Le vénérable Agron s'en porte garant, pourtant. C'est le digne ami du digne Alcée, tout semblable à lui au demeurant, sauf la barbe blanche. Oh, te voilà de joyeuse humeur. Et comment ne le serais-je pas? Il y a toute chance qu'Alcée entre en révolte ouverte contre moi, s'il me voit paraître tout à l'heure avec cette couronne neuve. Agron prendra mon parti, et en reconnaissance, Il ne me restera qu'à m'engager à m'en tenir désormais aux insignes traditionnels, et principalement à la fameuse épée qui tue sans doute ceux qu'elle frappe, mais qui me tue presque quand je la soulève. Mais d'où tiens-tu tout cela? D'un espion, crois-tu, ou d'un traître? Mais non, de leur propre et estimable bouche. Tu te moques de moi? Non, je suis tout à fait sérieux. J'étais là quand ils ont juré avec des rugissements. L'un me frappe, l'autre s'interpose. Ce sera le jugement de Dieu. Je ne peux croire que tu te sois caché pour les surprendre, ce n'est pas d'un roi. Moi-même, quand je surprends une conversation, je fais du bruit exprès pour éviter qu'on ne me dise ce que je n'ai pas à entendre. Non, Candol ne sait pas dissimuler comme un valet. Mais comment devinerais-tu? Tu vois cet anneau, comment le trouves-tu? D'où te vient-il? De Gigès. Alors, il est sans prix à tes yeux? Il l'est, mais tu te trompes sur mes raisons. Écoute, admire. Il rend invisible qui le porte. Invisible. Je viens d'en faire l'expérience. Ne t'avise plus de grimper aux arbres, Lesbia. Seuls les oiseaux peuvent se cacher dans les feuillages. Lesbia. Ah, plus de porte pour moi, plus de verrou. C'est effrayant. Effrayant pour les méchants, certes. Non, pas seulement pour les méchants, davantage encore pour les bons. Pauvre Lesbia. Ne vas-tu pas mourir de honte quand tu sauras? Seigneur Candol, jette cet anneau. Jette-le au plus profond du fleuve. Pour disposer de forces plus qu'humaines, il faut être né demi-dieu. Ou alors donne-le-moi. On dit chez nous que des choses qui pourraient détruire le monde sont cachées ça et là sur la terre. Ces choses remontent au temps fabuleux où l'homme et le dieu allaient au bras l'un de l'autre et échangeaient des gages d'amour. Cet anneau est l'une d'elles. Qui sait au doigt de quel mortel une déesse l'a passé? Et quel pacte il est venu sceller? Tu n'as pas craint d'appeler sur ta tête une colère divine en t'emparant de ce don des ténèbres? J'ai peur, moi, rien qu'à le voir. Donne. Soit. Mais tu viendras au jeu dans tes habits de reine. Comment le pourrais-je? Tu connaissais la fiancée secrète que tu étais allée chercher dans un pays lointain. Tu te réjouissais qu'avant toi, seul ton père ait pu me voir. Et qu'ensuite, je demeure cachée à tous les yeux. Je sais. Mais la pierre la plus précieuse... Si nul ne la voit... Ne tente pas les voleurs. Assez. Je suis habitué à tes refus. Un vent frais peut soulever tous les voiles, seul le tien reste étroitement serré autour de toi. Voici le cortège. Le roi doit du moins y figurer. Il est conspirateur. Pour une fois, je regrette de ne pas t'accompagner. Non, ne t'inquiète pas, toutes les précautions sont prises. Oh, ce n'est pas que j'ai peur, mais enfin, il faudrait punir et je ne le veux pas. La vie humaine est trop courte pour qu'on s'arroge le droit de l'abrégir encore. Non, je ne veux pas avoir à faire mourir. Allez, allez vous aussi, mes petites. Je reste avec toi, ma reine. Mais non, ta nourrice t'a jamais enseigné à toi que le visage d'un homme peut signifier la mort. Rêver. Ici, ils ne savent pas. Même la meilleure ressent comme un sacrifice cette solitude qui est toute ma joie. Remporté le prix du lancement du disque. Et pour la troisième fois. Je devrais me fâcher. Il n'a rien laissé pour les nôtres. Gigès, mon ami, tu es modeste. Tu ne prends pas plus de prix qu'il n'y en a. Mon roi Candol, tu n'as pas vu Gigès combattre aujourd'hui, mais le grec. Eh bien, si les grecs sont faits de ce métal désormais, il ne nous reste plus pour tenter de vous effrayer qu'à rempailler les dépouilles des vieux dragons qui traînent depuis le temps... Hercule dans les greniers. Et tu ne m'écoutes pas. Si, si. Non, tu es distrait. Tu louches vers ces filles là-bas. Et elles s'en sont aperçues. La petite taquine la grande. Tu rougis, tu devras avoir honte. J'ai soif. Ah, tu as soif. C'est autre chose. Quand on s'est battu comme toi, on a droit à un verre. Et je vais boire avec toi, moi qui n'ai rien fait. Voilà le moment des jeux que je préfère. À moi, serviteur! C'est quelques gouttes en libation sur la terre. D'abord pour la racine, et maintenant pour les rameaux. Tiens, bois. Ah, tu as toujours les yeux fixés sur ce balcon. Bois donc! Ça restera assez pour que tu saches ce qui te tourmente. Eh bien, buvons. Comme c'est frais. Oh, malheur. Ces jeunes filles s'éloignent. Ton étoile disparaît. Ah, elle était belle. Elle me plaisait. Alors, c'est qu'elle était belle. Des yeux de braise, un feu qui couve et des étincelles au premier souffle. Des yeux où jouent des couleurs. Et le même jeu dans le sang qui bat et lui colore le visage. Ah, pudeur, ardeur, qui sait. Et le rose de telle joue, bien sûr, est d'un charme unique. Le vent n'a fait que soulever un coin de son voile, et toi, roi Candole, tu arraches tout, tu me la montres. Pour que tu tombes à ses pieds. Non, il est une autre femme. Et devant elle, tu verrais pâlir l'image de celle-ci comme la flamme d'une chandelle au soleil. Une autre femme? Oh, certes. Mais il n'est pas convenable de vanter un trésor qu'on est seul à connaître, qui croit à des perles serrées dans un poing fermé. Moi? Ah, Gigès. Son ombre seule dans le clair de lune. Rhodope. Tu souris. Buvons. Je ne souris pas. Tu devrais. N'importe qui peut se vanter ainsi. Si tu me disais ce que je viens de dire, je te répondrais, fais-la voir, ou tais-toi. Moi, je te crois. Ah, il ne faut croire que ses yeux, ce qu'on dit n'est rien. Ah, tu rougissais devant cette pauvre fillette alors que... Alors, mais c'est assez de bavardage et de vantardise. Tu la verras, Gigès. Je la verrai? Cette nuit même. J'ai besoin qu'on me dise que je ne suis pas un pauvre fou qui se vante quand il dit tenir dans ses bras la femme la plus belle. C'est toi qui me le diras. Jamais. Enfin, y songes-tu? Pour un homme, ce serait déjà une honte, mais pour une femme... Et pour une femme comme elle, qui m'aime en plein jour... Mais elle n'en sera rien. As-tu oublié l'anneau? Oh, je ne serai heureux que lorsque tu me diras que je le suis. Ouais, voudrais-tu d'une couronne que tu ne porterais que dans les ténèbres? Hein? Alors, Rhodope est ma couronne. La reine des femmes est à moi, comme les perles sont au fond des océans. Et un jour, tout sera fini. Sans qu'il se trouve un ami pour l'écrire sur la pierre du tombeau, et je serai couché, mendiant parmi les mendiants. Non, ne dis plus rien. Et prends l'anneau. La nuit tombe. Voici notre chambre. Quand tu me verras y entrer avec elle, glisse-toi derrière nous. Je le veux. Je l'exige. Et tu le dois aussi à Lesbia. Peut-être sera-t-elle la plus belle. Qui sait? Un portique le matin. Entre Thoas. Faut que je lui parle. Et vite. S'il savait ce que j'ai entendu cette nuit. Certes, j'étais pas sorti pour espionner. Mais je reviens chargé de bruits sinistres, comme si j'étais l'oreille ambulante du plus sanglant des tyrans. Révolte, complot, agression imminente, élection d'un nouveau roi. Est-ce possible? Je pressentais le pire. Cette fois, j'en ai la preuve. Mais voici des pas qui donc se lèvent avant le jour comme les vieillards. Le jeune Gigès. Si tu savais ce que c'est, moi, tu marcherais la tête haute. C'est bien ici. C'est bien moi. Pourquoi moi, ici? Je ne supporte plus le grand jour. Il y a dans l'air une odeur lourde qui se traîne, écœurante, fétide. On dirait que toutes les fleurs maléfiques épanchent leur parfum pour nous étouffer. Déjà debout, Carna. Oh, pardon, Seigneur, je t'ai pris pour un autre. Pas encore couché? L'ambition t'aurait-elle ôté le sommeil? L'ambition? Eh oui, toutes ces couronnes que tu as remportées hier. Les lauriers n'ont plus rien à craindre de moi. Je voulais seulement prouver qu'on peut avoir des os et de la moelle dans ses os, même quand on sait toucher de la cithare. C'est chose faite à présent. Mais pourquoi ne dors-tu pas? Et toi, pourquoi ne bois-tu pas? Sans doute, es-tu déjà levé? Apparemment, si je me suis couché. Mais c'est ça que je voulais savoir. Ainsi, il ne sait pas ce que je sais. Elle sommeille encore. Oh, qui oserait l'éveiller? Le rossignol, peut-être, qui achève son chant encore enveloppé de rêve. Lui, peut-être. Mais voici Candolle. Que pense-t-il de moi? Elle ne dort pas, mais elle fait semblant. Ah, Gigès, tu es là déjà? Ou faut-il dire encore? Mais non, j'ai ta parole. L'anneau, tiens. Déjà? Il est à toi. Tu crains de le garder davantage? Mais qu'en ferais-je? Prends, enfin! Voilà qui m'en dit plus long encore que ton soupir cette nuit. Pardonne-moi, Seigneur. Te pardonner. Mais ce soupir, c'était mon triomphe. Es-tu seul à l'avoir entendu? Non, elle aussi. Elle a tressailli, elle a étouffé un cri. N'aurais-tu rien remarqué? Si, j'ai tout entendu. D'ailleurs, j'ai une autre preuve de ton trouble. Tu as tourné l'anneau sans même t'en apercevoir. Alors Rodop s'est écrié, « Lève-toi, regarde dans le coin. Là, il y a un homme, il veut nous tuer. Toi ou moi, ton épée !» J'ai faim d'être effrayé comme elle, je me suis levé et soudain, tu m'es apparu, dressé dans la lumière des lampes. Je l'ai fait exprès, je voulais que tu me voies. Oh, tu dis cela maintenant pour diminuer ma victoire. Si je ne m'étais pas avancé pour me mettre entre vous, elle te voyait. Et alors? J'étais obligé de te tuer. Je le savais, Seigneur, et c'est pour cela que j'ai tourné l'anneau. Es-tu fou? Je ne suis pas fou. C'est cette gageure qui était folle. Tu avais mon consentement. Certes, mais il me semblait en cette heure étouffante que toi-même n'avais pas le droit. J'aurais voulu me punir et te punir en même temps. Car je sais que tu n'aurais pas eu de joie à me tuer. Tu es diabolique. Et j'ai encore cette angoisse au fond de l'âme, comme si ma conscience connaissait bien ce crime pour lequel, cependant, il n'existe pas de mot dans notre langue. Sais-tu pourquoi je ne l'ai pas jeté à tes pieds tout à l'heure, l'anneau maudit, l'anneau de mort, au lieu d'en user une fois encore pour prendre la fuite? Ce n'est pas pour toi, c'est pour son repos à elle. Je n'ai pas voulu qu'elle connaisse la honte abominable, cette tache ineffaçable sur elle. Après un meurtre, tu ne m'aurais pas vu fuir ainsi. Ce n'était pas un meurtre. Qui sait? De la pureté souillée, les dieux détournent leur visage. Peut-être la déesse Aphrodite, blessée jusqu'au fond de l'âme, va-t-elle retirer sa faveur à sa fille préférée qu'un regard étranger a salie? Elle hésite. Oh, divine, que ton sourire ne s'efface pas encore. La vengeance que tu attends, c'est moi qui te la porterai. Voilà le grec qui parle. Une dernière demande, Seigneur Candolle. 1000, si tu veux, mais pas la dernière. Le temps n'est pas encore venu. Accepte ma jeune vie en expiation sur l'autel de Jupiter. Chacune des longues années qui m'étaient promises rendra plus précieux mon sacrifice. Viens avec moi, je t'en prie. Que d'une main tu me tiennes embrassé, tandis que de l'autre tu m'immoleras comme le veut l'usage sacré. Tu verras, le sourire ne quittera pas mes lèvres. Je commence à me repentir de ce que j'ai fait. Celui-là est fou et elle, là-bas, est la proie du doute. Tu hésites? Combien de jeunes vies pourtant sont immolées à la guerre, à la tyrannie, au malheur? Et je ne pourrais me sacrifier au bonheur, à l'honneur, à l'amour? Assez, Gigès. Oublies-tu ce que tu es pour moi? Quand même la vieillesse m'aurait courbé, desséché, je n'accepterai pas une goutte de ton jeune sang pour me rendre la vie. Mais tu es encore troublé par cette nuit maléfique et par le lourd parfum des vignes. L'air frais du matin va dissiper tes sombres pensées. Du moins, je l'espère. Mais je voudrais en être sûr. Pourquoi ai-je rendu cet anneau? Je pourrais maintenant disparaître à jamais, toujours à ses côtés, je la verrai comme les dieux eux-mêmes ne la voient pas. Car je saisirai ce tremblement ultime de la beauté solitaire qui s'ignore elle-même, ce dernier secret qui jamais encore, non, jamais ne fut partagé. Certes, j'encourrai la vengeance des dieux pour avoir goûté secrètement à la coupe qui n'est remplie que pour eux, et je tomberai, frappé par la plus imparable des flèches lancées par le soleil en colère. Mais qu'importe? Je tournerai l'anneau pour la dernière fois, et là, à ses pieds, les yeux levés dans ses yeux, je boirai son âme, et mon âme s'exhalerait dans une douceur infinie. Gisès, le roi Candolle m'envoie auprès de toi avec un présent. Cette vierge voilée qui m'accompagne. C'est la belle esclave Lesbia qui a su te plaire, paraît-il, et qu'il t'offre en don d'amitié. Le roi se moque de moi, ai-je mérité ce traitement? C'est un riche présent, et rien ne te permet de mettre en doute la bonne foi du roi. Tais-toi, esprit borné! Le sérieux du roi serait la plus blessante des dérisions. Dis-lui toi-même, mon enfant, puisqu'il refuse de me croire. Non! Pas un mot, jeune fille. Ainsi tu méprises le présent du roi? Je le refuse. Le roi m'a frappé à mort et dans ma main glacée, le voilà qui glisse maintenant un joyau de vie. Je ne comprends rien à ce que tu dis, mais je tâcherai d'en rendre compte. Viens avec moi, mon enfant. Tu ne me reverras jamais, Gigès. Mais pardonne-moi de t'avoir fait entendre le son d'une voix qui te déplaît. Exquise enfant. Tu n'aurais qu'à te cacher derrière le platane et à parler comme tu viens de le faire. Le plus hardi garnement tomberait à genoux devant ce miracle. Un rossignol qui parle. C'est toi le garnement? Tu vois même pas. J'avais cru un instant que je n'étais pas le plus nul, qu'on ne me tirerait pas les oreilles sans risque, qu'à l'heure du danger, peut-être, on aurait recours à moi, faute d'en trouver un beaucoup plus fort. L'enfant a dû rêver tout cela. Il mérite le fouet, ce garnement. Il a dû boire toute la nuit. Eh bien, qu'on m'apporte un rameau de laurier. Je t'en fouetterai peut-être, mais ensuite, je t'en ferai une couronne. Ainsi, tu as rêvé aussi? Serait-ce donc vrai? Une telle insulte, une pourtant... Insulte? Laquelle, pourquoi? Et toi-même, ici? Moi? Non, pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Guerrier, tu as tué plus d'un homme. As-tu aussi le pouvoir de rendre vie à une femme? Tu es très belle, c'est vrai. Des lys qui se mêlent à des roses. Des lys et des roses qui ont fleuri, enlacés les uns aux autres. Et le vent joue à les confondre un peu plus. Tu rougis. Et maintenant tu pâlis. Maintenant tu rougis et tu pâlis en même temps. Que peux-tu voir à travers mes voiles? Tu rêves encore, Gigès. Quand j'aurai découvert mon visage, tu verras que je suis tout autre. Non, non, reste voilée. Je retournerai donc auprès de la reine. Elle ne voulait pas que je parte. Elle me verra revenir avec joie. Alors dis-lui que Gigès ne t'a même pas regardé. Quelle honte pour moi. Mais non. Tu sais bien qu'hier, je ne pouvais détacher mes yeux de toi. J'avais dû commettre quelques sottises qui m'avaient fait remarquer. Mais c'est que mes compagnes me taquinaient. Pour moi, c'était un charme qui retenait mes yeux. Un charme bien fugitif. Allons, Thoas, partons d'ici. Et pourquoi si vite? Je suis ton maître, après tout, mais n'aie pas peur. Je n'attends de toi qu'un service, un seul. Ensuite, tu seras libre. Eh bien, soit. Thoas, pars sans m'attendre. Et porte mes remerciements au roi pour son présent. Je saurai lui manifester ma gratitude. Soit. Adieu, donc. Eh bien, Gigès, qu'attends-tu de moi maintenant? D'abord, tu ne partiras pas avant que le sourire ne soit revenu sur tes lèvres. Il y faudra un peu de temps. En attendant, nous parlerons un peu. Ainsi, tu vis aux côtés de la reine, et le fruit ne lui paraît suave sans doute que quand ta main le lui accueillit. Parle-moi d'elle. De la reine? Je veux dire, parle d'autre chose si tu veux. Du jardin où elle se promène, de ses fleurs préférées. Ou parle de toi-même, je t'écoute. En quoi vous ressemblez-vous, elle et toi? Dis-le vite, afin qu'aussi vite je commence à t'aimer. La taille? Pas vraiment. L'allure? Non plus, assurément. Mais les cheveux? Tes cheveux sont noirs comme les siens, mais sans la même plénitude. Les siens ruissellent autour de son visage, et son visage est comme l'étoile du soir qui éclaire doucement la nuit. Et puis encore, non, reste, ne t'en va pas. Quand elle s'avance, quand tu marches, toi, on le voit bien, tu vas quelque part, ici ou là, vers le dattier ou vers la source, mais elle, nous regardons vers le ciel pour voir si le char du soleil ne descend pas vers elle, afin de l'emporter pour l'éternité. Oui, elle est belle. Tu baisses les yeux? Mais lève-les vite vers moi, petite fille. Il me semble tout à coup qu'ils brillent comme les siens. Peut-être à l'instant même. Oh, mais puisque j'ai souri, je peux partir maintenant. Pas sans un présent. Vois-tu, mon enfant, il faudra penser à Gigès avec un peu d'amour. Il est souvent brutal et inflige des blessures, surtout par ses paroles. Mais toujours il s'efforce ensuite de les guérir. Oh, Roi Candole, tu arrives à propos. Veux-tu dire que je surprends ici un couple heureux? Pas encore tout à fait, mais bientôt. Lesbire, donne-moi ta main. Comme elle est tendre. Et comme la mienne est rude, endurcie par l'épée et la lance. Un pétale de rose froissé doit suffire à meurtrir ta main. Sur la mienne, l'épine de la rose se briserait sans doute. Ta main tremble dans la mienne comme prisonnière d'un étau, mais ne crains point. Je l'ai prise, je ne la retiendrai point. Le roi m'est témoin que je n'obéis pas seulement à ses ordres formels. Je sais comprendre un signe de lui. Le roi a voulu que je sois la fortune pour toi, que je fasse ton bonheur. Eh bien, puisque tu es devenu mon esclave, va, je te fais libre. La liberté, c'est, dit-on, le bien suprême. Je ne sais pas, j'étais une enfant encore quand on me l'a prise. Que ma gratitude pour toi soit à la mesure du présent que tu me fais. Es-tu content, roi Candole? Content. Je suis surtout surpris. Lesbia, puisque tu ne sais où se trouve ta mère qui te pleure à la maison de tes ancêtres, eh bien, en attendant, je t'offre mon toit. Je m'en vais en emportant que mon épée. Tu n'es plus le même, Gigès, mon ami. C'est vrai, roi Candole. Je ne suis plus le même. Tu aimes. Cette enfant, j'aurais pu la briser entre mes mains. Est-ce cela, aimer? Ne te joue pas de moi, Gigès. Tu aimes. La reine Rhodope. Simplement, je ne puis, Seigneur, te servir plus longtemps. Pars, s'il le faut, je ne puis te retenir. Mais puisque tu ne veux rien de moi, de toi, je ne veux rien garder. Tiens, reprends ton anneau. Soit. Mais en échange, donne-moi ton épée. Merci. Tu es généreux. Un instant encore. Tiens, prends ce joyau. Quel joyau? Tu le connais bien, pourtant. Le diamant de Rhodope? Je l'avais pris parce que son coût... Pardonne-moi. J'ai durement payé cet acte. Erenny, vous voilà. Il n'est pas élevé de sommeil plus léger que le vôtre. Tu me maudis? Oh non, même pas. Ah, adieu, adieu. Ah, il ne faut plus nous revoir. Jamais! Adieu pour jamais. Mais où irais-je maintenant? Où allais-je quand j'ai rencontré ce Lydien? Ah oui, je me proposais de remonter le cours du Nil antique où des hommes jaunes aux yeux étroits bâtissent des maisons éternelles à leur roi mort. Eh bien, je vais reprendre la route du sud et du désert. L'appartement de la reine Rhodope. Les miroirs, pourquoi ne sont-ils pas voilés? Et ces portes, qui les a ouvertes toutes grandes? Mes reines Rhodope, tu as toujours aimé regarder au miroir ton visage du matin et aspirer profondément l'air frais du jardin reposé par la nuit. D'où tiens-tu ces sornettes? Voilà, s'y retournent tous les miroirs contre les murs. Et ferme les fenêtres. Je cherche vainement à me convaincre du contraire. Je me sens souillée comme jamais aucune femme ne le fut. Oh, nuit, reviens. Couvre de tes ténèbres miséricordieuses la misère de ma chair et de mon âme. Cette rose, du moins tu la regarderas. Elle s'est ouverte pour toi avant le premier soleil. Emporte-la, je la ferai flétrir. Ainsi vous l'avez voulu, dieux éternels. J'ai coupé pour vous mes premières boucles d'enfant. Mes mains, depuis, sont restées pures comme alors. Je ne savais pas qu'il y a un fil dans vos mains. Et qu'à ce fil sont suspendus le bonheur et la détresse des hommes. Il n'y avait pas d'arrière-pensée dans la flamme du sacrifice. Elle montait vers vous sans que j'y mêle jamais une demande pour moi-même. Je vous demandais votre amour. Je ne vous demandais pas une faveur. Je baisais votre main sans rien en attendre. Mais alors, dites-moi, pourquoi l'homme vous consacre-t-il la meilleure part de ses biens si vous ne le protégez pas contre les dangers qui le dépassent? L'homme prend son épée quand le lion se rue sur lui en plein jour. Il n'invoque pas Zeus et sa foudre. Mais il vous appartient d'éloigner de lui le serpent qui se glisse lâchement sous sa couche quand il dort du sommeil du guerrier fatigué de ses combats. Et moi, Par quelle malédiction n'avez-vous pas su préserver de ma couche la honte que je ne tolérerais pas pour la dernière de mes esclaves? Le roi. Déjà, la mort vient avec lui. Je me sens glisser dans la nuit absolue dont nos nuits terrestres ne sont qu'un obscur reflet. Mais pourquoi trembler? N'est-ce pas mon vœu le plus cher? Me pardonnes-tu? Je sais bien qu'il n'y a pas d'autre issue. Qu'importe l'heure. Il n'y a rien à ajouter. Je ne te comprends pas. Parle sans détour, mon roi, je suis prête. Qu'attends-tu donc? Tu viens de te venger, je pense. Me venger, mais de qui? Ils respirent encore tous ceux qui vivaient hier. Et pourquoi non? Cela fait bien des criminels, peut-être. C'est possible, et alors? En ce cas, que viens-tu faire ici à cette heure? J'ai mis un sujet de venir, il me semble, après la nuit dernière. Ne m'as-tu pas refusé l'unique baiser que je te demandais, comme lorsque tu étais encore cet enfant, sous le platane, un lys à la main? Tu me seras gré, je pense, d'être demeuré cet enfant au lys. Ne crains rien, cependant. Quelque chose m'a appelé vers toi, comme au matin de la première nuit. Mais tu n'as qu'un signe à faire, et je partirai comme je suis venu, plus vite même. Comme si je m'étais approché de la source pour boire tout doucement, et qu'au même instant, soudain, une naïade en fut sortie craintivement. Reste. Non ! Pas le temps d'un soupir. Si je t'ai fait peur. Et je t'ai fait peur, je le vois bien. C'est l'heure, sans doute, où tu regardes en toi-même, comme tu me l'as expliqué jadis. Je ne la troublerai pas. Et même si Aphrodite faisait à ma visite matinale la faveur d'un sourire et me lançait pour toi la ceinture d'or qu'elle ne donne jamais et qu'elle prête bien rarement, eh bien, je viendrai te la remettre une autre fois. Tais-toi, roi Candole. Tu parles trop joliment tout à coup. Et cela m'inquiète. Ma nourrice me disait, l'homme qui entoure sa femme de propos trop doux, c'est qu'il a conscience secrètement de l'avoir offensée. C'est vrai. Je t'ai offensée. Je devrais bien savoir pourtant, comme tu es, et qu'il n'y a pas à vouloir te changer. Ton père régnait aux confins où se mêlent le monde grec et le monde hindou, et ton voile est comme une partie de toi-même. Pourtant, je ne cesse de vouloir l'arracher. Et peu s'en est fallu hier que j'y parvienne. Eh bien, je le regrette. Et je te promets bien de respecter désormais ta pudeur farouche. Ma pudeur farouche? Oui. J'ai le ferme propos de t'éviter non seulement la blessure profonde qui laisse une trace sanglante, mais l'ombre la plus légère qui pourrait t'assombrir. Je te protégerai désormais avec la sollicitude légère et discrète de la paupière qui protège et rafraîchit la fragilité de l'œil. Oh, trop tard, mon ami, trop tard. Comment trop tard? Non, je ne saurais le lui dire. Il faut qu'il découvre seul la vérité. Quand il saura, alors je m'agenouillerai à ses pieds et j'offrirai mon sein à son épée. Un cauchemar t'aurait-il effrayé? Un cauchemar, oh non. Je n'ai eu droit à aucun présage funeste. Celui que tue l'épée voit briller son éclat, et la pierre elle-même qui tombe est précédée de son ombre. Moi, ce qui m'a frappé n'était annoncé par rien. Mais roi Candole, une question te brûle les lèvres, n'est-ce pas? Alors parle. Non, donne-moi ta main plutôt. Ah, non, ne me touche pas. Rien ne pourrait ensuite te purifier. Tu trembles de fièvre. Mais le plus efficace des médecins attend devant ta porte comme un mendiant. Le clair matin, béni par tous les petits dieux de la nature, va t'accueillir dans sa lumière lénifiante. Allez, vite, ouvre tes fenêtres. Non, laisse-moi, mon ombre chérie. La nuit d'un tombeau m'attire davantage que tous les chants d'oiseaux. Malheureuse. Allons, parle. Qui était cette nuit dans nos appartements? Un assassin? Un assassin? Mais non, voyons. Comment ne l'aurais-je pas tué aussitôt? À condition de l'avoir vu. Et comment ne l'aurais-je pas vu? La flamme répandait de toutes parts sa lumière vive et dorée. Sans doute, mais ce que j'ai entendu ne provenait ni de toi, ni de moi. La nuit est riche en bruit indéfinissable. Qui ne dort pas peut exercer sa sagacité. Mais ce cliquetis... Non, un insecte contre le mur. C'était comme le bruit d'une épée heurtant quelque chose. La nature, dans son immense caprice, donne les bruits les plus bizarres aux animaux nocturnes. J'ai aussi entendu comme un soupir. Eh bien, tu vois, les meurtriers soupirent-ils? Justement, non. C'était un souffle de la nuit, ou la voix des arbres. Comme les pierres boivent la chaleur du jour pour la rendre à la nuit, les arbres, tout le jour, absorbent les sons. Et la nuit, ils jasent, ils palabrent, ils sanglotent. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais il y a autre chose. Il me manque un bijou. Un diamant, je parie. Le voici. C'était donc toi qui l'avais. Oh, merci. Merci, Dieu du ciel. Pardonnez sans soupçon à un cœur pur qui se croyait trahi. Oh, comme vous m'êtes proche, Dieu de lumière et d'air frais. Et Rénie, foncez sur moi. Je suis redevable d'un présent aux immortels. Ce diamant ira enrichir le trésor du temple. Mais c'est à toi surtout que je le dédie, Vénus, qui réunit toutes choses dans la sainte unité. Désormais, tes colombes se nourriront du grain le plus blanc et boiront dans les vasques de marbre. Et toi, Candole, toi... L'adolescent qui pense à celle qu'il aime baise sa propre main qu'elle apprécie en le quittant. À l'homme, il faut un peu plus. Jour de lumière, ton épouse t'est donc chère. Pardonne-moi mon injustice. Je craignais qu'il y eût dans ton amour plus d'orgueil que de tendresse. Et qu'il eut besoin pour durer de susciter l'envie des autres. Maintenant, je n'ai plus peur. Non, tu n'auras plus peur. Et je sais maintenant quels soupçons te rongeaient le cœur. Tu croyais que Gigès te prenait un peu de mon amour. Oui, c'est vrai que je passais mes journées avec lui, me faisant même chasseur pour l'accompagner. Mais il ne t'a rien pris. Car ce qu'il y a entre un homme et un homme est sans rapport avec le lien qu'il unit à une femme. Auprès d'elle, il l'oublie comme il oublie entre ses bras son courage guerrier. D'ailleurs, ce Gigès, que j'aimais trop, nous a quittés définitivement. Gigès s'en va? Ce matin même, il est parti. Ce n'est pas possible. Tu as l'air contrarié. J'avais cru comprendre que tu souhaitais qu'il s'éloignât. Si c'était lui. Je revois maintenant sa silhouette dressée devant mes yeux comme une flamme dans la nuit. Montre-moi ta main. L'anneau, tu l'as encore. N'est-il pas à moi? Parle, l'as-tu jamais quitté depuis qu'il est en ta possession? L'as-tu prêté? Perdu, égaré? Malheureuse, ton imagination te torture. Tu n'oses pas répondre. Et tu renvoies Gigès tout à coup comme un malfaiteur. Pourquoi? Je n'ai pas dit cela. Il part de son plein gré. De son plein gré? Mais qu'est-ce qui le pousse à partir? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Tu ne le sais pas. Eh bien, moi, je vais te le dire. Il t'a offensé, comme personne encore ne l'a fait. Il faut que tu fasses justice avec une rigueur implacable. Rodope, quel langage! Il n'y a pas plus noble que lui. Alors pourquoi le laisses-tu partir d'un cœur si léger? C'est que le plus noble, sans qu'il le sache, peut porter autour de lui la malédiction plutôt que le bonheur. Crois-tu qu'il en soit ainsi? Lui-même en a-t-il conscience? Et quand bien même. C'est une âme fière, il aspire à de vastes entreprises, il en a l'envergure. Tu crois? Il n'y a pas de trône trop haut pour lui. Il est parti sans dire pourquoi. Un jour, peut-être, il reviendra une couronne à la main. Il nous dira, c'était pour cela. Mais ma bien-aimée, la nuit vous a troublé. La peur, tout ce que vous avez cru entendre. Tu veux dire ce que je n'aurais pas dû entendre? Je voudrais m'en persuader moi-même. Mais je me souviens maintenant, mes yeux aussi m'ont menti. Tu n'as ni quitté ni perdu l'anneau, dis-tu. Et pourtant, j'en suis sûr, c'était le matin, il faisait grand jour. Tu ne l'avais pas. Ainsi, un sens porte témoignage contre l'autre, et l'œil aveugle accrédite l'oreille sourde. Pardon de t'avoir importuné pour si peu. Mais il faut me laisser seul, Candole, n'insiste pas davantage. J'ai besoin de me recueillir. Ça ne peut être personne d'autre. C'est Gigès. C'est trop clair. Il a usé de l'anneau, c'est encore plus clair. Et Candole sans doute. C'est plus clair que tout le reste. Un crime inouï, châtiment inouï. Et pourtant, il le laisse partir. Donc, pour me délivrer d'une sombre énigme, une énigme plus sombre encore. Dans cette nuit, je sens ma raison chavirer. L'époux voit sa femme déshonorée, c'est trop peu dire encore, morte. Mieux que cela même, condamnée à se tuer elle-même, si le sang du coupable ne la purifie pas. L'époux est roi. Dans sa main, il a l'épée de justice. Qu'a-t-il besoin des Erinies? Et cet époux, ce roi, laisse fuir le coupable. Eh bien, je ne laisserai pas cette infamie se consommer. Je suis venue ici en reine, non en mendiante. J'étais escortée par les soldats et les serviteurs de mon père. À moi, fidèle compagnon, maîtrisez le fuyard, traînez-le devant le roi Condol, et qu'il soit contraint de choisir entre son épouse et l'infâme. M'as-tu pardonné, ma reine? Te pardonner, lesbienne, parce que tu es revenue. C'est moi qui devrais te demander pardon de t'avoir laissé partir. Viens, petite sœur, viens sur mon cœur. Qu'est-il arrivé? Je ne t'ai jamais vue aussi tremblante. Une chose inouïe, innommable. Avant même que je lui ai trouvé un nom, elle s'est métamorphosée en autre chose, de plus abjecte encore. Oui, monstre de nuit qui grimace devant moi, ton premier visage me paraît aimable à mesure qu'il s'efface et m'en laisse deviner un autre. Et que puis-je faire pour toi? Tu ne peux pas tuer, petite fille, alors tu ne peux rien pour moi. Si, va me chercher Karna. Il est ici. Il s'est mystérieusement averti que tu vas avoir besoin de lui. Mais ne vas-tu pas te couvrir de ton voile pour le recevoir? Non, laisse bien, le temps des voiles est révolu. Mon Dieu, c'est la première fois. Te voici donc, Karna, fidèle gardien. Tu te souviens, je pense, de ton serment quand mon père t'a confié sa fille au seuil des portes d'or. J'étais sous mes voiles, juché sur le dos d'un éléphant. Mais j'ai tout entendu, cependant. Je n'ai pas oublié. Je suis prêt à le prouver. Alors trouve-moi le grec Gigès et dis-lui que je veux le voir. Toi? Voir Gigès? Oui, moi. Mais fais vite, sinon il t'échappera. Et s'il est déjà loin, poursuis-le et ramène-le. Avant qu'il soit nuit, il faut qu'il soit ici. Il sera là, mort ou vivant. Que faut-il comprendre? Gigès t'a offensé? Il a fait tomber sur moi la malédiction la plus cruelle. Celle que les dieux ne prononcent qu'à contre-cœur, car elle ne frappe que les innocents. C'est elle qui m'oblige à tuer. Non, pas lui, je te jure. Comment peux-tu? Moi aussi j'ai appris quelque chose ce matin, et je sais qu'il préférerait perdre son âme que de t'offenser. Vraiment? Il faut que je te rapporte un mot de lui. Oh, ce mot, comme il m'a fait pleurer. Mais comme je suis heureuse maintenant de l'avoir entendu, il m'a dit qu'il ne songeait pas à moi. C'est toi qui l'aimes, tu vois bien. Il m'aime. Alors cette fois, il n'y a plus de doute, c'est à lui. Lui? Mais oui, folle. Car s'il m'aime, il faut bien qu'il m'ait vu. Et si Gigès m'a vu, dis-moi, quand m'a-t-il vu? Et maintenant, parle enfin, mais dis-moi s'il ne doit pas mourir. Oublier. Rien qu'un instant. À quoi bon s'épuiser encore sur cette énigme? Elle aura livré son mot avant peu. On vient. Ce sont eux. C'est lui. Non, ce n'était rien. Oh, comme j'ai changé en si peu de temps. Quand me suis-je jamais inquiété d'un bruit? Je ne connaissais pas la peur, car je savais que l'invisible gardien couvrirait de leur vie la fille bien-aimée de leur roi. J'entends marcher. Ce sont eux cette fois. Oui, Karna est aussi brave qu'habile. S'il l'a trouvé mort, la lame en pleine poitrine, alors je saurai quel mal a frappé. Jamais je n'en parlerai plus à Condol. Ils sont là. Je suis prête. Derrière Sigès, la troupe armée s'est refermée comme un verrou. Ah, Lesbia a pris le roi de venir me voir. Et vous, Irénie, montez des enfers, montez. Et gardez bien ce seuil, tout à l'heure vous emporterez un cadavre sanglant. La reine m'a fait demander. Et tu sais bien pourquoi. Tu le sais car tu trembles. Peux-tu le nier? Tu trembles et j'entends ton cœur battre dans ta poitrine. Et le roi, ton époux, n'a-t-il pas lui aussi tremblé devant toi? Et son cœur n'a-t-il pas battu comme fait le mien? Souviens-toi de l'heure où il a reparu devant toi et dis-moi donc s'il ne me ressemblait pas en tout point à cette heure. Comme toi? Ses genoux tremblaient. Il ne bougeait pas, l'œil ébloui. Quand il revient à lui, sans un mot, il arrache sa couronne comme une guirlande flétrie et il la lance derrière lui sans un regard. Toi, tu souris alors. Et tu lui donnes ainsi le courage d'avancer d'un pas. Mais c'est pour tomber à genoux devant toi comme je m'agenouille moi-même devant ma reine. Tu oses? Sans y songer, sans doute. Pour l'arrêter, peut-être, ou pour le relever, tu lui tends la main. Et lui, En tremblant, il veut la prendre. Mais déjà, tu l'as retirée. Et il n'effleure que le bout de tes doigts. N'est-ce pas la vérité ? Debout, enlève-toi ! Lui, cependant, reste prosterné. Jusqu'alors, il n'a pas été plus qu'une ombre de l'érèbe, froide et transparente. Il s'émue au milieu des vivants et le sang à peine commence à vivre en lui, comme il vit en eux. Il a singé leurs rires, leurs larmes, leurs joies, leurs soupirs et leur souffle même. Enfin, le doux désir le prend de vivre lui aussi. Et ses yeux qui n'ont fait que refléter passifs toute chose qui s'agite comme une eau calme, ses yeux alors commencent à boire ton visage. Tu ne l'as pas vu, toi, tandis qu'il buvait ta beauté. Il s'embrasait d'un feu sombre comme ta main le soir, quand tu la mets devant la flamme, et devant ce reflet pourpre de toi-même, tu as pris peur. Et toi ? Que je me taise ? Mais je n'en sais pas davantage. Comment il a fait pour se faire aimer ? Comment il t'a conquise ? C'est le secret d'un seul. Tu le sais maintenant pourquoi je tremblais. C'était une sainte et joyeuse épouvante que je t'ai vue quand j'ai compris qu'Aphrodite avait une sœur. Dis-moi à présent pourquoi tu m'as fait venir. Pour que tu meures. Que je meure. Penses-tu ne pas mériter la mort? Si tu m'as condamné, c'est donc que je suis coupable. Pour que tu meures sur le champ. Je suis prêt. Tu devrais frissonner. Et doublement étant si jeune encore. Tu ne connaissais de la femme que la tendresse maternelle. Et c'est la plus douce d'entre elles qui prononce aujourd'hui ton arrêt de mort. Elle pourrait implorer le salut de son propre meurtrier s'il lui restait assez de souffle pour prier. Mais une honte comme celle qui la recouvre des pieds à la tête ne se lave que dans le sang. Car elle la dévaste d'autant plus cruellement qu'il s'agit d'une femme plus douce et plus craintive. Oh, c'est horrible. Tu trembles enfin. Écoute-moi jusqu'au bout. Si tu n'étais pas devant moi, condamné déjà... S'il n'y avait pas derrière la porte des épées nues qui t'attendent, si tu n'appartenais pas désormais aux Erinies que j'ai appelées sur ta tête, c'est moi qui mourrais. Avant le coucher du soleil, j'ouvrirais ma propre gorge et je me purifierais dans mon sang. Car les dieux se sont détournés de moi, avec pitié, certes. Et ils ont brisé les fils d'or qui me reliaient aux étoiles et qui guidaient mes pas. Je mesure enfin toute la gravité de ce que j'ai fait. Et pourtant... Sache que j'ai déjà voulu mettre fin à mes jours. Si le roi Candole, ton époux, ne m'avait retenu, je serais ombre parmi les ombres, et toi vengé, et peut-être réconcilié avec toi-même. Il t'en a empêché, pourtant il savait. Qu'importe ! Une étrange impulsion l'a saisie qui m'a privé d'une mort volontaire, mais elle ne t'a pas privé de ta victime. Adieu. Les épées des tiens peuvent rester pures. Arrête ! Ni de ta main, ni par le meurtre ! Tu mourras de la main de ton juge. Le roi vient. Il fixera ton sort. Celui qui va mourir, quoi qu'il ait fait, a droit à une grâce. Tu ne la refuseras pas au mourant. Laisse-moi aller. Pas avant que le roi ne se soit prononcé. J'ai fait ce que j'ai pu. Que l'inévitable s'accomplisse. Roi Candole, mes soupçons sont confirmés. Un homme était caché dans la chambre. C'est vrai, Seigneur, j'ai tout avoué. Je suis devant toi et j'attends la mort. Gigès ! Ma seule excuse, c'est que je ne savais pas, je le jure. Je ne savais pas ce que c'est qu'une femme. J'étais comme un enfant devant un trésor qu'il vient de trouver, une merveille oiseau qu'il caresse et qu'il étouffe parce qu'il ne connaît pas sa fragilité. Ainsi ai-je brisé le joyau de ce monde et je ne savais pas ce que je faisais. Sa parole est noble. Malheur à lui, malheur à moi qu'elle ne suffise pas pour que tout soit pu. Gigès ! Je ne suis pas un lâche. Tu es, Seigneur, l'époux de Rhodope, et il t'appartient d'être son vengeur. Mais je suis d'abord un homme, et je ne laisserai pas un autre payer pour un crime que moi-même j'ai commis. Crois-tu sauver quelqu'un ainsi, mon roi ? Moi-même ! Rhodope, il est fou, ne l'écoutez pas. Mon Seigneur et mon époux, il est des choses qu'il faut entendre deux fois pour y croire. Parle à ma place. Ne cherche pas à m'innocenter. Raconte ce qui est arrivé. Dis-lui, Gigès. Moi, je m'éloigne. Je ne peux en supporter davantage. Tu comprendrais, Rhodope, si tu l'avais vu parlant de toi. Sa parole, son visage était comme du feu. Moi, innocent, je ne prêtais pas attention à ses propos. Mon regard suivait dans les buissons l'oiseau que je m'impatientais à ne pouvoir tirer. Il était comme le prêtre. Et cette même flamme qui le dévorait, il voulait en hommage à sa divinité... la faire brûler au cœur d'un autre. T'as cédé son droit d'époux. Ne parle pas ainsi. Il n'était donc pas nécessaire qu'il fût ivre pour que tu t'empares de l'anneau. C'est lui qui te l'a donné, peut-être. Peut-être es-tu venu en même temps que lui. Mais je n'ai jamais été son esclave. Il ne m'a pas demandé de l'être, non, reine. La faute reste sur moi. Et ta sentence était juste. J'ai marché sur un chemin que je ne devais pas connaître et j'y ai apporté la malédiction qui est sur moi. J'étais dès le premier instant mûr pour la mort, car j'avais vu tout ce que la vie peut offrir et c'était le bien d'un autre. La mort seule pouvait accomplir mon destin. Et si je ne l'ai pas trouvé dans la nuit, si je n'ai pas lavé de mon sang le seuil profané, ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Ah, que n'ai-je pu la forcer comme je le voulais ? Il n'y aurait pas une ombre sur ton âme et tu reposerais paisible dans les bras de ton époux vengeur. Et des choses arriveraient. D'horribles choses qui attesteraient que les dieux se passent du concours de nos bras quand ils veulent leur vengeance. Quand le monde étouffe sous le poids d'un crime inexpié. Mais reposez-vous, immortels, nous savons ce qui s'est passé et ce qui reste à faire. Et nous saurons l'accomplir. Dis-moi seulement que tu m'as pardonné. Pas encore. Tu l'es. Tu es le roi Candol ? Tu l'es, je t'épouserai. Reine ! Va, et quand tu me diras « voici, tu es veuve », je te répondrai « voici, tu es mon époux ». Tu as vu comme il est parti sans un mot pour se défendre. Et moi, j'irai... Non, c'est impossible ! Je dois l'exiger, toi, tu dois le faire. Il ne dépend pas de toi ou de moi que ce soit facile ou difficile. Peut-être l'époux a-t-il failli. Mais il a été pour moi un ami incomparable. Puis-je le punir de mort pour un excès de confiance en moi ? Tes protestations sont vaines. Qui me contraindrait si ton pouvoir ne l'a pu ? Je t'aime. Et c'est comme si j'étais venu mort au monde. Et je me mets à vivre sous ton regard. Mes sens étaient comme des sentinelles endormies. Je ne voyais, je n'entendais pas. Maintenant, qu'ils s'éveillent dans un bienheureux émerveillement. Il y a un vertige en moi. Le gouffre est ouvert. Je voulais te prendre la main, me perdre dans tes cheveux. Après, qu'importe si l'abîme m'engloutit. Mais ce grand bonheur ne peut s'acheter, fût-ce d'une goutte de son sang, dans la plus totale ivresse. Je n'oublierai jamais son amitié. Tu peux faillir certes à ton devoir, alors va-t'en. Que médites-tu, ma reine ? Un acte qui se prépare en secret et s'exécute plus secrètement encore. Je te devine. Comment pourrais-tu ? N'en doute pas, je le veux et je le peux. Eh bien, par les dieux qui trônent aux cieux et les Irini qui nous épient du fond des enfers, cela ne peut être et ne sera pas. Alors tu m'obéiras. Et je serai ton épouse. Je t'obéirai. Mais je puis être vaincu. Vaincu ? S'agit-il donc d'un combat ? Oui, ma reine. Car n'attends pas de moi que je l'assassine. Je vais défier Candol dans une lutte à mort. Et si tu succombes ? Alors ne me maudis pas. Le destin aura été contre moi. Mais si je reviens ? Alors tu me trouveras devant l'autel, prête à mettre ma main dans la tienne comme je suis prête à prendre un glaive et à mettre fin à mes jours si tu étais vaincu. Avant que le soleil se couche, le verdict sera rendu. Adieu, Gigès. Je crois, vois-tu, que tu ne m'aurais pas humilié ainsi, si c'était toi qui m'avais épousé. Crois-tu, Rhodope ? J'aurais été sans doute plus jaloux, plus envieux, plus craintif de te perdre parce que je vaux moins que lui. Pourtant, ce que tu dis m'est une joie, et c'est un viatique suffisant pour moi. Et maintenant qu'on m'apporte ma robe nuptiale et mon linceul. Une place publique. Tu me suis comme une ombre, que veux-tu ? Le cœur te manque pour parler, vieillard, parce que j'étais un peu brusque avec toi. Eh bien, parle. Je vais t'écouter avec patience. Quand même tes discours dureraient aussi longtemps qu'il faut pour que les raisins verts mûrissent au soleil. Ai-je jamais porté une accusation contre quiconque, Seigneur ? Non, Thoras. Ou calomnié quelqu'un ? Pas que je sache. T'ai-je jamais rapporté, en les chargeant de haine, des paroles échappées à un mouvement de simple colère ? J'en ai pas souvenir. Je sers dans ta maison depuis 50 ans. Et je ne ferai pas à 70 ans ce que j'ai su éviter à 20 ans. Je le sais bien, fidèle Thoas. On élève les rois sur un trône, on les assassine, d'autres leur succèdent. Cependant, les arbres poussent et les fruits mûrissent, et les sources ne retiennent pas leurs eaux, même mêlées de sang. Je le crois bien, oui. N'est-ce pas? Tel est notre bonheur à nous autres esclaves, qu'une lune rouge au ciel ne nous inquiète pas, et que nous pouvons assister, le cœur léger, au carnage des hommes libres. Où veux-tu en venir, vieillard? Ton père me voulait sans cesse auprès de lui, au festin, à la guerre, partout. Un jour, je lui tendais la coupe, le lendemain, le bouclier et la lance. C'est moi qui ai dressé son bûcher funéraire, et mes doigts ont recueilli pour l'urne sa cendre blanche. Ainsi en avait-il décidé. La grappe commence à rougir, il me semble. Pardon, Seigneur, je suis un homme simple. Je comprends souvent mal. Je n'ai rien inventé et je ne m'offusque pas qu'on me traite de sot. Mais des hommes de sens, parfois, m'ont demandé conseil. Parce qu'il y a autre chose, peut-être, dans une tête de 70 ans que chez le plus sage des jeunes gens. Écoute-moi. Que fais-je d'autre? Prends garde à Gisèle. Mais je savais que tu rirais. Comprends-moi bien. Je ne dis pas qu'il convoite ta couronne. Au contraire, pour ta défense, il verserait son sang. Et pourtant, il te fait plus de tort que ceux qui hier complotaient contre toi. Ils ne feront rien si Gisèle s'en va. Mais s'il reste, s'il continue à se glorifier de toutes ces couronnes qu'il a gagnées, qui sait ce qui peut arriver? Éloigne-le. Crois-tu? Je le sais. Ils sont là, ils chuchotent, ils comparent, ils haussent les épaules, ils serrent les poings. Il y a des bruits qui circulent. On voyait Gisès, un joueur de sitar. On croyait que l'oiseau à la voix d'or a nécessairement laissé rogner. Maintenant, on voit en lui un Phébus réincarné, ou du moins un de ses fils. Cela t'étonne? Il les a vaincus. Qui les a vaincus? Il doit être plus qu'un homme. Qu'importe! Et d'ailleurs, il est bon, il est fidèle. Mais, crois-moi, éloigne-le. Si déjà les dieux ne sont pas à l'œuvre, tout peut être évité. Dans moins d'un an, tu peux avoir recouvré leur faveur et celle du peuple. Le voici. Ai-je été entendu? Seigneur, ton sourire m'inquiète. Tu m'as touché, Thoas, et plus que tu ne le crois. Eh bien, Gigès. Je te cherchais, Seigneur. Que m'apportes-tu? Oh, tu ne dis rien, tu te détournes. Tu peux parler, je suis prêt à tout entendre. Pourquoi n'as-tu pas accepté mon sacrifice? Je ne regrette pas de l'avoir repoussé. Et quand même, j'aurais accepté. Le soupçon que ton soupir ait fait naître en elle la nuit dernière n'en aurait pas été effacé pour autant. D'ailleurs, ce soupir, je ne te le reproche pas. Qui donc n'aurait pas également souffert en la voyant sans voile? Ce n'est pas un jour faste, celui où le roi de Lydie a rencontré sur son chemin le grec Gigès. Je ne le maudis pas. Tu serais venu seul à bout du tigre qui allait bondir sur toi, et moi j'aurais pu me dispenser de cette flèche qui ne t'a pas sauvé, qui t'a seulement privé d'un coup de roi. C'est vrai, j'avais vu le fauve et j'étais prêt. Mais tes yeux brillaient si fort, ton cœur battait si vite, tes joues étaient si roses, que j'ai caché mon sourire et je te dis merci. Généreux, même dans le secret de ton cœur. Mais non, j'ai vu tout de suite que dans un danger plus réel, tu serais aussi valeureux. Et si ce danger ne s'est pas encore présenté, ce n'est pas de ta faute. Tais-toi, Seigneur. Il est bien vrai qu'en échange d'un seul de tes cheveux, j'aurais donné ma vie. Et pourtant, telle est la malédiction à cette heure. Il faut que je te demande de mourir. Que je meure? Que tu meures, si du moins tu veux qu'elle vive. Déjà, le soleil décline. Et si tu vois l'étoile du soir, elle ne la verra pas. Si je ne me tue, elle se tuera. Elle en a décidé ainsi, c'est pour cela que je suis là. Elle me refuse même un adieu. Si tu cherchais à l'approcher, elle se réfugierait dans la mort. Eh bien, frappe! Tu hésites? Pas ainsi, je suis venu me battre. Jeune présomptueux! Es-tu si sûr de l'emporter? Tu me connais mieux que cela. Oh, cet anneau. Tu penses qu'il aurait mieux valu qu'il demeura dans son sépulcre? Ah, c'est vrai. Le pressentiment de Rhodope ne l'a pas trompé. Ni le frisson qui t'avait saisi, toi. Mais il a été forgé par le destin. Je vois à l'horizon où se mêle la légende et l'histoire des jeunes dieux en lutte contre les anciens dieux. Zeus, trop souvent écarté du pouvoir, approche du trône de son père au sommet du ciel. Dans sa main, il serre l'abominable faucille. Et derrière lui, rampe un titan dans ses chaînes. Pourquoi Cronos ne le voit-il pas? On l'attaque par surprise, on l'enchaîne, on le mutile, on le précipite à l'abîme. Et à la main du fils criminel, Gygès, je vois l'anneau. Et c'est Gaïa qui le lui a donné. Qu'il soit maudit l'homme qui l'a apporté. Oh, ne pense plus à ceux qui ne furent que des instruments. Ne pense qu'au criminel que je suis. Mais quel crime as-tu donc commis? Rhodope est seul juge. Je sais, moi, combien ma faute est lourde et qu'elle répond au châtiment. Le vieux Thoas a raison dans sa simplicité quand il dit « On ne doit pas toujours demander ce qu'est une chose. Il faut savoir se contenter de savoir ce qu'elle vaut. » Je sais qu'un jour viendra où tout le monde pensera comme moi et se demandera ce qu'il peut bien y avoir d'éternel dans ces épées, ces chlamydes et ces couronnes rouillées. Mais les hommes fatigués se sont endormis sur ces trophées d'un temps fabuleux. Quiconque y touche les réveille. Et alors, malheur à lui. Faut avoir la force d'enchaîner le peuple qui se débat, arraché à son sommeil, ou avoir assez d'or pour remplacer le jour qu'on lui a enlevé. Hercule le pouvait. Moi pas. Trop fier pour assumer modestement mon héritage. Trop faible pour égaler Hercule. J'ai sapé le sol sous mes pas. Je m'enfonce dans les ténèbres. Non, non. Il en est ainsi et pas autrement. Il ne fallait pas troubler le sommeil du monde. Il en a besoin, comme toi et moi. Il dort, il se restaure. Qu'importe s'il ressemble à un mort et fait sourire les sots. Tu sais, l'homme qui dort... Laissant pendre hors de la couche le bras désarmé, les paupières scellées, un pétale de rose posé sur les lèvres comme un dernier trésor. L'homme éveillé qui le regarde peut bien rire. S'il lui dit « Tiens, dormeur, voici des fruits et du vin, lève-toi, bois et mange. » Le dormeur lui répond que son sommeil lui importe plus que le boire et le manger, et il se rendort jusqu'au matin. Moi, téméraire, j'ai été cet importun. J'ai touché au sommeil du monde. Maintenant, je suis entre les doigts de Dieu. Et il écrase l'insecte qui l'a piqué. C'est pourquoi Gygès, si haut que doivent élever la vague de la vie, et elle t'élèvera très haut, fais-lui confiance et n'aie pas peur. Même si les couronnes te sont tendues. Mais ne trouble pas le sommeil du monde. À présent... Le jour décline. Il faut nous battre. Thoas, tu ne m'as jamais vu l'épée à la main. C'est vrai. Eh bien, tu vas avoir ce privilège. En échange, prends cette couronne. Tu la donneras à celui de nous deux qui aura vaincu. Si c'est toi, Gygès, bon vent à toi. On se réjouira de te le voir au front. Et ne la refuse pas, car elle irait alors à un autre qui ne te vaut pas. Jure-moi d'abord, Seigneur, que tu vas te battre de tout ton cœur. Je le jure. Et comment laisserai-je sans regret tant de beauté derrière moi? Et toi, Gygès? Avec moi, elle vit. Avec moi, elle meurt. Je n'ai pas le choix. À chaque coup, je préférerais me jeter dans tes bras, mais je me battrai. Une dernière fois, ta main. Et sois un tigre, je serai un lion. Et cette place sera la forêt où si souvent nous avons chassé ensemble. Un dernier mot. Je n'osais pas. Voilà. Si tu succombes, elle m'épouse. Ah, c'était donc cela. Maintenant, je la comprends mieux. Il tombe. Le dernier des Héraclides est tombé. Le temple de Hestia. c'est le soir. Carna, le bûcher a été dressé. Il est prêt, ma reine. Rhodope entre dans le temple et s'agenouille devant la statue de la déesse. La reine parle du bûcher et non des appartements nuptiaux. Cela t'étonne ? Il faut bien qu'il y ait d'abord un mort avant les noces. Oh, je tremble, Lesbia. Comme je l'aidais à se préparer tout à l'heure, elle m'a demandé s'il y avait au jardin des baies empoisonnées. Quoi ? Mais si je ne pourrais pas lui en apporter quelques-unes. Pour chacune, elle m'a promis une perle. Quand même, je lui en apporterai plus de 100. Mais vite, a-t-elle dit. Et toi, qu'as-tu dit ? J'ai dit non. Alors elle a souri en disant qu'elle s'y attendait, mais qu'elle les aurait demain. Ensuite, elle m'a congédiée. Mais je l'ai observé. Je l'ai vu sortir un poignard et l'essayer. Pour cela, elle s'est faite une estafilade au bras. Héros. J'ai vu le sang couler. Sans doute honore-t-elle d'autres dieux que les nôtres. Et son geste répond peut-être à un rite inconnu ici. Non, non, non. Il n'y a ni flûte, ni pipeau, ni chœur qui chante épithalame, ni groupe de danseuses. Comme j'étais aveugle. Elle est sortie de ses appartements pour n'y plus revenir. Pardon. Pardon, ma reine. Maudite soit l'humeur qui m'a éloignée d'elle ce matin. Oh, déesse, c'est à toi qu'elle appartient à cette heure. Sache changer son cœur, nous n'y pouvons plus rien. Mais n'est-il pas étrange qu'elle ait choisi comme témoin, au lieu de la souriante Aphrodite, la sévère Hestia ? Dont le regard fait flétrir les fleurs. Hélas, tout nous fait prévoir le pire. Mais voici Gigès. Reine, prends-le et garde-le, et que tout le reste soit oublié. Le sang qui a jailli de sa blessure, il me semble que c'est moi qui l'ai perdu. Je suis glacé comme la mort. Comme il est pâle. Voici dans l'autel. Et voici ses servantes. Et elle, enfin. Mais ce n'est pas ainsi que je m'attendais à la retrouver. Thoas, que veux-tu donc ? Je t'apporte la couronne. C'est aux Lydiens qu'elle appartient, non à moi. Aussi bien l'ai-je portée premièrement aux Lydiens, mais c'est en leur nom que je me présente à toi. Ne te réjouis pas aveuglément de ces acclamations, Gisès. Nos ennemis ont violé nos frontières. Il faut que tu sauves le pays. Et comment est-ce possible ? Mais c'était fatal. Candole était trop clément. Personne ne le craignait. Et maintenant, ils sont là. J'accepte cette couronne puisqu'il y a une grande tâche à accomplir, une lourde dette à payer. Acquitte d'abord ta propre dette, Gisès. Rhodope. Soit la récompense qui m'attendra quand j'aurai anéanti les ennemis de la patrie. Non, ne me demande pas de t'attendre. Viens avec moi devant l'autel d'Hestia, puisque mon père n'est pas là pour nous bénir. Tu me tendras la main sous son regard divin comme je te donnerai la mienne pour sceller une union indissoluble. Si tu l'avais vu mourir, tu partagerais le tremblement sacré qui m'interdit de m'approcher de toi avant d'avoir payé ma dette. Personne n'avait été comblé comme lui. Et il s'est retiré volontairement et pour l'honneur du festin de la vie. Puisqu'il est descendu si noblement dans l'Empire des Ombres, je l'y retrouverai volontiers. Et j'y puiserai pour lui de ma main l'eau du l'été qui efface les souvenirs. Mais geste pour l'heure, finissons-en. Soit. Mais je t'en fais serment, ombre aimée, je pars dès que tout sera consommé. Hestia, gardienne de la flamme qui détruit ce qu'elle ne peut rendre à sa pureté. Ce jeune homme est cause que je peux reparaître à tes yeux. Le peuple l'a élu pour son roi. Et moi, je le veux. Sois mon témoin comme époux. Gigès, prends ma couronne, elle fera rayonner ton front comme celui d'un souverain. À moi, pour gage, tu vas donner l'anneau magique. Il est resté à la main du roi. Alors cet anneau a déjà trouvé la place qui lui revient. Arrière à présent. Et n'oublie pas ton serment. Je tiens le mien. Je meurs par ce glaive, pur et intact, car aucun autre homme ne m'a vu que celui qui en avait le droit. Gigès et l'anneau. C'était une tragédie de Hébel, adaptée par André Tuboeuf et Michel Tournier. François Beaulieu de la Comédie-Française était Gigès. Sylvia Monfort, la reine Rhodope. Marcel André, Thoas. Catherine Dagan, Héros. Marie-Vonne Schiltz, Lesbia. Jean-Claude Houdinière, Carna. Avec Marie Letourneur, Christian Fourcade, Yves Duchâteau, Paulette Georges. Et Daniel Hivernel était le roi Candaule. Musique originale de Patrice Chiortino. Bruitage Louis Matabon. Chef opérateur du son Michel Ristich. Mixage Jeanne Chomara. Collaboration technique Michel Miroux et Monique Vignier. Assistante Yvonne Despouy et Madeleine Jay. Réalisation Guy Delaunay.